j'entends ces lettres vous manquent. Tout est dépeuplé, bébé j'aimerais que tu rentres. Oui s'il te plaît, car ce silence me hante. Et rien ne pense m'y plaît, tout ça vient de mes ententes. Alors pense à m'appeler, je veux juste t'avoir pour entendre ta voix, pour comprendre et savoir ce qui ne va pas. J'ai toujours espoir, car je t'aime, ne serait-ce pas principal, donc me laisse pas. Oh non, ne me laisse pas. J'aimerais comprendre pourquoi quand tu n'es pas là, je ne me reconnais pas. Et fais vraiment n'importe quoi. J'aimerais comprendre pourquoi quand tu n'es pas là, je ne me reconnais pas. Et fais vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai seulement envie d'être seul, comme si j'étais le navire. Et toi l'écueil, quand t'as décidé de partir. Tu l'as vu, je vois bien tous tes efforts. Moi j'ai juste envie de te dire, décroche ton téléphone. Je veux juste t'avoir pour entendre ta voix, pour comprendre et savoir ce qui ne va pas. Je ne me reconnais pas, il fait vraiment n'importe quoi.